Alors, je vais commencer par vous, président Bandakani. Vous avez été à la pointe, comme tous les autres d'ailleurs, avec Afrique Média, à la pointe donc de ce combat, de la mort, la mise à mort du franc CFA. Et il est apparu aujourd'hui clairement, vous l'avez d'ailleurs à suffisance démontré, que le franc CFA fait partie donc d'un ensemble de moyens mis en place pour piller abondamment l'Afrique, ce que les Blancs refusent donc de connaître. De reconnaître comme étant des biens mal acquis. On vient de démontrer dans la première partie que, effectivement, la pointe de l'attaque constituée par leur capitaine d'industrie Tel Bolloré constitue également des biens mal acquis dont profite cet Occident et pas simplement ce qu'ils veulent voir en Afrique. Et je vous poser une question simplement aujourd'hui. Le franc CFA, au-delà du nazisme monétaire, comme vous avez l'habitude de l'appeler, comment est-ce que ce mécanisme mis en place permet de piller avec une, je veux dire, systématiquement et donc c'est organisé l'Afrique. Mais d'abord, de manière fondamentale, en privant l'Afrique de ce qu'on appelle l'économie monétaire. Parce que les gens, on peut parler d'économie, mais il y a ce qu'on appelle l'économie monétaire. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des marges de manœuvre extraordinaires qui donnent à un pays l'économie monétaire. C'est-à-dire que fabriquer, l'art de créer de la monnaie, créer la création monétaire, ce que j'appelle l'économie monétaire. La création monétaire, aujourd'hui, qui est le privilège, je suis poli, C'est un domaine réservé, vous voulez dire. vous êtes gentil, c'est de la violence, c'est-à-dire que par la force, c'est de la violence. Il y a un système international qui s'est accaparé ce droit, que ce soit au niveau du FMI mondial. Parce qu'on appelle le tirage spécial, c'est quoi? C'est la création monétaire. C'est bon, c'est quoi? Vous avez des pays, quand ils sont en crise, ils créent de la monnaie. Simplement, ils créent de la monnaie. Il faut jouer la planche à billets, tout à comme on fait. dit. Donc, tout ça a été organisé pour priver l'Afrique de ce qui est l'une des bases fondamentales de l'économie. C'est-à-dire, ce qui fonde la capacité à dire qu'on fait de l'économie, la création monétaire. C'est-à-dire, quand on ne peut pas créer de la monnaie, quand on veut, il n'y a pas d'économie. Donc, à ce niveau, il y a ça. Et la France, donc, a décidé donc, de s'accaparer ce pouvoir, de créer de la monnaie à la place des Africains. Mais c'est même plus grave parce qu'elle ne crée même pas. C'est-à-dire, elle fabrique des billets, mais elle ne crée même pas. Parce que vous allez voir que, elle n'est que la France n'est qu'un courroie qui le conduit tout droit au système financier international, FMI, Banque mondiale, où elle parle à l'autre nom à travers une garantie qui n'existe pas. C'est-à-dire que la France n'est qu'un courroie. Elle perçoit, c'est comme le négoce, elle perçoit des royalties, elle prélève, parce que elle est quoi? Elle est le masque qui empêche de voir quels sont ceux-mêmes qui sont en train de nous priver de l'une des bases fondamentales de l'économie, à savoir la création monétaire. Donc le système qu'on appelle le franc CFA participe de cela. Donc vous ne pouvez pas créer de la monnaie, mais il y a plus grave. On va démontrer ça ici. C'est-à-dire qu'on vous interdit de gérer vos avoirs. Il y a là une dimension de. Il y a là la négation de votre personnalité, votre humanité. C'est une violence absolue, Bongo, parce que vous travaillez. Vous travaillez. Vous avez des avoirs qui viennent de votre travail. Quelqu'un prend ça et dit que tu n'es pas capable de gérer ça. La personne qui prend ne travaille pas à ta place. Hein. Parlons terre à terre. Il travaille pas. C'est toi qui travailles. Tu bosses, tu travailles. Quand tu génères des revenus, quelqu'un vient, il prend. Il gale chez lui, il dit que bon, ok, tu ne peux pas gérer tes revenus. Tu ne peux pas gérer les avoirs qui sont dus à ton travail parce que tu es un gamin, tu es un enfant, tu n'es pas encore entré dans l'histoire. Moi, je gère ça à ta place. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu produis 100 francs, parlons comme ça. Il prend 75%. On dit 50% là, c'est pas vrai. Il prend 75%. Dans 75 francs. Oui, il prend ça. Il prend 75 francs. Il dit que tu veux prendre 25. Dans les 75 francs qu'il a pris, il dit qu'il y a 50 que tu dois mettre ici là parce que ça doit garantir tes importations, ça doit faire ceci. Hein? Écoutez bien, ça doit faire ceci. Si il reste 50 francs, mais sur les 50 francs, tu peux prendre 25. Si tu vas au-delà de 25, c'est une dette. C'est une dette. C'est-à-dire que je te prête ton argent. Et dans. Quand je te fais ce prêt-là, j'y prélève des intérêts. C'est ça. Parce que je te vends ton argent. Il prend ça. Et maintenant, vous voyez bien qu'il reste 25 francs. En plus de 20. C'est-à-dire que, regardez bien comment les 100 francs sont repartis. Hein. 25 francs, c'est 25 francs. Il garde ça pour lui directement, pour ses spéculations, à lui, tout ça et qu'on soit. Mais à toi, il te dit, je garantis ta monnaie. Il dit, je t'apporte une garantie. Donc, c'est un système, dit, c'est un système carrément de vol qui empêche aux Africains d'avoir les avantages de l'économie monétaire digne de son nom. D'abord, la fabrication de biens, M. Mungu. Ça rapporte beaucoup d'argent, les gens ne le savent pas. Quand vous avez... Il y a une commission qui prélève. Mais quand vous avez une entreprise qui fabrique votre monnaie, quand un trésor public peut fabriquer de la monnaie, il y a la cash. Tout à l'heure, on parlait du cash flow. En dehors du port, il faut rappeler qu'en dehors du port, un trésor public qui fabrique sa monnaie, mais c'est du cash flow, Bungu. Absolument. C'est du cash flow à milliards. C'est ce que j'appelle l'économie monétaire. C'est du cash flow à milliards. Le fait d'avoir, de fabriquer votre monnaie et de le mettre à disposition des agences économiques. Il y a là même, avant que les agences économiques ne transforment la monnaie en un bien rempli, tu n'en dis bien vide, en un bien rempli, l'État s'est déjà enrichi. Bungu. Rien qu'en fabriquant de l'argent. C'est ça. Je ne l'ai pas créé. Il dit, en fabriquant de l'argent. Ouais. Dit, maintenant, quand l'État peut encore créer, il s'enrichit deux fois. Donc, voyez ce qu'on nous prive. Voyez ce qu'on nous enlève. Et ceux qui enlèvent ça, ils gagnent ça. C'est eux qui prennent ça. De manière mécanique. Ils prennent ça. Ils prennent ça, ils gagnent de l'argent. Ça se chiffre en centaines de milliards, M. Mungu, qui sont privés. Donc, vous voyez, il y a un pillage systématique à ciel ouvert. Je ne parle pas des avantages, je ne vais pas parler d'autre chose. On a vu ça ici. Le fait qu'on laisse l'agent soit une fois, ça va en France. Je ne parle pas des avantages qu'on donne aux entreprises françaises. Je ne parle pas de tout ce qu'ils ont. En termes. Quand on gère votre monnaie, il y a une masse d'informations stratégiques qu'un État, digne de son nom, ne peut pas laisser à un autre état de gérer. Parce que quand les informations monétaires relèvent d'une information stratégique, quand c'est centralisé par un pays qui contrôle et qui vous dit comment votre argent va aller, tout, vous n'êtes plus des nations, Bongo. Et ces informations, qu'est-ce qu'il fait? Il les revend, il les redonne à ses entreprises. Vous comprenez? Donc la concurrence est faussée. L'économie du pays est bloquée. C'est ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un blocage monétaire, d'un blocage économique clair et net. Non seulement on pille votre argent, votre avoir, mais on bloque votre économie. Donc les économies africaines en France CFA sont des économies bloquées. Vous comprenez bien. Voilà pourquoi dans les pays en France CFA, le débat politique, ce n'est pas de savoir si les dirigeants peuvent développer le pays. C'est un faux débat. C'est pour les enfants. Parce que l'enjeu n'est pas de développer un pays. Le débat, c'est à quel niveau? Le débat, c'est qu'on se libère. Le débat, c'est que, est-ce que vous êtes esclave ou pas? C'est ça le débat. Parce que vous vous libérez d'abord. On ne peut faire aucune économie dans un pays à France CFA. Mais regardez, non. Regardez. C'est pas possible de faire de l'économie. C'est impossible. On peut à la limite faire de l'économie budgétaire. Pour faire un budget, c'est tout. Mais dit qu'on fait de l'économie, c'est-à-dire que... Non, c'est pas le seul. Le budget, c'est pas le seul levier économique. Non, c'est même pas un levier. Les gens qui pensent que... C'est quoi le franc CFA? Avant, on envoyait un petit budget que le gouverneur colonial gérait. Le gouverneur colonial pour entretenir le petit état colonial de l'époque. C'est le blanc qui était là. On l'appelait haut commissaire. Le haut commissaire avait un budget, Bungu. C'est tout. Il avait un budget. L'État qui remplace le haut commissariat a dit que dans l'esprit colonial, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il doit gérer un budget. C'est-à-dire quoi? Une part qu'on décaisse de la métropole. Écoutez bien. Un transfert comme décaisse de la métropole pour envoyer, n'est-ce pas, dans la colonie pour que le gouverneur colonial gère. Ça n'a pas changé. On a beau appeler ça budget. C'est ça l'économie budgétaire. Donc, les véritables tâches de l'économie, à savoir l'industrie, c'est Bungu. La transformation des biens de leur état primaire aux différentes étapes de leur finitude, on vous interdit ça. C'est interdit, M. Bungu. Vous, c'est-à-dire que toutes les différentes étapes de la croissance économique, à savoir l'étape primaire, l'étape secondaire, l'étape tertiaire, l'étape quaternaire et même l'étape cinquennaire, interdit. Interdit. Donc, vous êtes, et ça débouche donc ce qu'on dit depuis qu'on chante les joies à l'école, à savoir une division de travail qui nous enferme dans le ghetto de la pollution des matières premières à l'état brut. Et le consommateur de biens finis. Regardez bien cette affaire. Et deuxièmement, vous y avez ce qu'on appelle l'inéquité des termes de l'échange. Ces matières premières, nous, on ne fixe pas le prix. C'est ça. Par contre, les biens finis, les prix sont imposés. Mais par quelle magie pouvez-vous vous développer? Par quelle magie? C'est pour ça que quand on parle de ce point de vue, Bungu, et c'est la révolution que le panafricanisme a apportée, et je suis fier d'y avoir pris toute ma part en matière de débat. À un moment donné, il faut le rappeler. Quand on parle de ce point de vue, les États africains ont fait beaucoup, ils ont fait des miracles. Ah oui, Sami Amin le dit. Sami Amin, le grand économiste qui a des études, il fait une étude comparative et il démontre que mais, c'est un miracle. Il part à partir de la guide analyse centre-périphérie. Il en était le maître, vous le savez. Il en était le maître. Donc il parle de cette grille d'analyse-là et il démontre que c'est un miracle. Il prend le cas de Mobutu. Il dit que considérons même le dirigeant le plus pire, Mobutu. Il démontre en quoi le Zaïre, à l'époque, a fait un grand pas par rapport à la situation coloniale. Et il dit, sans les moyens même que le colon hier avait. Donc quand on parle de ce point de vue, c'est extraordinaire. Donc le franc, c'est le truc monétaire CFA, c'est un crime politique. C'est d'abord un crime contre l'humanité, un crime des crimes. C'est un crime politique, c'est un crime économique, c'est un crime culturel, c'est un crime social, c'est un crime global. C'est-à-dire qu'il est, à tout point de vue, une catastrophe, une calamité, n'est-ce pas, qui est inacceptable. D'accord. Et un pays qui a pratiqué ça sur un autre pays doit être mis au banc des nations. Tout va bien. C'est sérieux. Un pays qui a pratiqué ça sur d'autres pays doit être mis au banc des nations. Ne peut pas se mettre à parler et dire que je suis un pays civilisé, je suis la partie des droits de l'homme. Tous ces pays-là, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, la France, Bongo, toutes ces puissances-là devraient être mises au banc des nations pour avoir pratiqué, mis en place un système international de nazisme monétaire, n'est-ce pas, qui se tient depuis la France, en passant par l'Angleterre aux États-Unis et à travers ce qu'on appelle le système international FMI, Banque mondiale, okay. Dont le défaut du franc CFA, et je vais chuter, vous me demandez de chuter, je l'avais déjà dit depuis très longtemps, pour moi le franc CFA est mort, bon goût. Les manœuvres de la France, les fanfaronnades pitoyables des dirigeants français qui pensent qu'ils peuvent recréer un franc CFA à travers un faux écho ou Macron, nous font sourire. La preuve, ils sont agités à Lomé. Notre ami Kakou Nabukpo, on avait une certaine estime, mais on connaît très bien ce que nous agrégés en navigation peuvent nous servir. Ils ont dansé à Lomé là pour dire que l'état général de l'économie, machin, qu'on sort à Lomé. Vous avez dit, non, M. Bongo, c'était renvoyé en 2027. Vous savez pourquoi? Mais ça, c'est pas faisable. D'accord. Sur le plan politique, c'est pas faisable. Vous allez faire comment pour intégrer le Niger dans le Ghana dans une sorcellerie pareille? Vous comprenez? C'est pas, il ne suffit pas de réunir de faux experts quelque part. Il braille, bavarde. Lisez le rapport final. Lisez le rapport final sur le Lomé. Après avoir fait des jours pour soi-disant des experts, des savants en économie, eux-mêmes après, pose au point qu'il y a. Il met sur la table des contraintes structurelles majeures qui sont le préalable même à la mise en place. Mise en place, tout à fait. Il dit, écho, d'ici 2027, qui sait ce qui va se passer? Il se passera beaucoup de choses. C'est pour ça que j'étais en train d'expliquer que nous avons dit ici à un moment donné, quand le combat a pris un virage, j'ai commencé à dire ici que la lutte contre le franc CFA, c'est la lutte contre la France. Oui, il n'y a pas de débat là-dessus. Et il faut l'intensifier jusqu'au bout. Mais c'est aussi la lutte contre le système financier international. Okay. Et sur ce terrain-là, nous sommes très peu bons. D'accord. Afrique Média, le monde, c'est nous.